Mark Emdan, archive.org. D'après, vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux Père Saint-Jean de la Croix. Traduction faite sur l'édition de Séville de 1702. Publiée, par les soins des Carmélites de Paris, Librairie religieuse Houdin 1893. Licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Chapitre 28. Des paroles intérieures qui peuvent se faire entendre surnaturellement à l'esprit, combien il y en a de sortes. Le lecteur sage devra se rappeler constamment, l'intention et la fin que je me propose en écrivant ce livre, c'est de mettre l'âme à l'abri de toutes les illusions et de toutes les inquiétudes qui traversent la voie des connaissances naturelles et surnaturelles, et de la conduire par la pureté de la foi jusqu'à l'union divine. Alors il comprendra pourquoi je ne me suis pas étendu davantage sur le sujet des connaissances de l'âme, et la raison pour laquelle je ne suis pas descendu dans tous les détails que semblait demander l'intelligence de cette doctrine. Il y aurait eu matière abondante à développer les genres et les différences de chacune des connaissances prophétiques, comme de toutes les autres, mais c'eût été entreprendre une tâche interminable. Il me semble, d'ailleurs, avoir exposé en substance la doctrine à suivre, et les précautions nécessaires à prendre pour que, dans toutes les circonstances extérieures ou intérieures, l'âme sache se gouverner avec prudence, et de manière à ne pas entraver sa marche ascendante vers les sommets de la montagne. Je suivrai la même ligne de conduite à l'égard de la troisième sorte de connaissance, que nous avons nommée paroles intérieures surnaturelles, et qui ont coutume de se produire sans l'aide d'aucun sens corporel. Elles sont nombreuses et variées. Je crois cependant qu'on peut les réduire à trois catégories, celle des paroles successives, celle des paroles formelles et celle des paroles substantielles. J'appelle paroles successives certains raisonnements, certaines propositions que l'esprit forme en lui. Même dans le recueillement, je nomme formelles des paroles distinctes, et précise que l'esprit ne produit pas de lui-même, mais qu'il entend comme d'une tierce personne, quand il est recueilli ou non. Enfin, les paroles substantielles sont celles qui s'impriment formellement dans l'esprit, recueillies ou non, et qui produisent dans l'intime de l'âme la substance et la vertu de ce qu'elle signifie. Nous allons traiter successivement chacune de ces paroles. Chapitre 29. De la première sorte de paroles que l'esprit forme, en lui-même, dans le recueillement, quelle est leur cause, leurs avantages et leurs inconvénients? Les paroles successives ne se présentent jamais à l'esprit, sans qu'il soit recueilli et profondément absorbé dans quelques considérations. Alors, sur cette matière qui le captive, il établit des principes, tire des conséquences très appropriées à son sujet, et raisonne avec tant de facilité et de précision sur des choses qu'il ignorait auparavant, qu'il croit n'être pas l'auteur de ses conceptions, se reconnaissant incapable de les produire. Il lui semble qu'une autre personne lui parle intérieurement, lui répond, ou l'instruit. Cela peut, à la vérité, n'être pas sans motif bien fondé qu'il pense ainsi, puisqu'il raisonne et se répond à lui-même, comme le feraient deux personnes qui s'entretiendraient ensemble. En effet, l'esprit humain semble s'adresser un dialogue à lui-même, et c'est le Saint-Esprit qu'il est très souvent à former, à produire ses conceptions, ses paroles et ses raisonnements. L'entendement concentré dans la vérité qu'il occupe est uni à l'Esprit Saint. Cette vérité est donc comme le trait d'union entre l'Esprit de Dieu et la première faculté de l'âme. Alors, avec l'assistance de ce docteur infaillible, qui lui distribue à mesure sa lumière, elle déduit successivement d'autres vérités qui découlent de la première. C'est l'un des modes d'enseignement dont se sert l'Esprit Saint pour instruire les âmes. Ainsi éclairée par ce maître divin, l'intelligence s'empare de ces vérités, et les formule simultanément au moyen des paroles intérieures. Le passage suivant de la Genèse trouve ici une juste application. La voix est certainement de Jacob, mais les mains sont d'Ésaü, Genèse 27, 22. Dans ce cas, l'âme pourra difficilement se persuader que les paroles qui lui sont adressées ne viennent pas d'une source étrangère, car elle ignore avec quelle facilité l'entendement peut formuler de lui-même des paroles sur les conceptions et les vérités dont une autre personne est le principe. Il est vrai que dans cette lumière de l'Esprit Saint communiquée à l'entendement, il n'y a en soi matière à aucune illusion, mais il peut y en avoir, et il s'en rencontre très souvent, dans les paroles et dans les conclusions que l'entendement forme sur ces données. Cette lumière d'en haut est tellement spirituelle et dégagée des ombres d'ici-bas que, par le fait même, l'entendement a de la peine à la bien saisir, et en conséquence, si les déductions qu'il en tire ont parfois l'apparence du vrai, d'autres fois elles sont fausses et défectueuses. Au début il suivait uniquement la vérité, mais bientôt il y a mis du sien et y a mêlé l'habileté, ou pour mieux dire la grossièreté de ses petites conceptions. Alors il lui est devenu facile de modifier les choses, selon les dispositions de sa propre inclination. Et tout cela se passe comme si c'était une autre personne qui parla. J'ai connu une personne qui était sujette à former ses paroles successives. Dans le nombre il y en avait de très véritables et de très substantielles sur l'adorable sacrement de l'autel, mais elle y mêlait d'autres fort erronées. Ce qui se passe de notre temps est vraiment bien étrange. Une âme possédée, elle pour 4 deniers de considération, vient-elle à être favorisée dans le recueillement de quelques-unes de ses paroles intérieures? Elle baptise aussitôt le tout comme venant de Dieu, est convaincue qu'il en est ainsi. Elle affirme que Dieu lui a dit ceci, que Dieu lui a répondu cela. Or moi, je vous assure qu'il n'en est rien. C'est elle-même qui le plus souvent s'adresse ses paroles. L'estime et l'affection de ses faveurs aveuglent ces personnes, au point qu'en se répondant à elles-mêmes, elles croient entendre Dieu leur répondre et leur parler, si elles ne mettent un frein solide à leurs désirs, et si celui qui les gouverne ne leur interdit ses discours intérieurs, elles s'exposent à tomber en 1000 extravagances. C'est chez elles une sorte de Babil, où leur âme contracte plutôt l'impureté de l'esprit, qu'elle n'en retire l'humilité et la mortification. Une de leurs idées les plus fausses est de se croire alors du nombre des âmes privilégiées, auxquelles Dieu a parlé, tandis que toutes ces belles conceptions ne signifient presque rien, ou même rien du tout, ce qui ne produit pas l'humilité, la charité, la mortification, la sainte simplicité et le silence intérieur. Je vous demande ce que cela peut être. J'ajoute que toutes ces connaissances peuvent devenir un obstacle considérable dans la voie de l'union divine. Si l'âme a la faiblesse de les estimer, elle s'éloigne de l'abîme obscur de la foi, par où l'entendement doit se diriger vers son terme, appuyé sur un amour vrai, et non sur la multiplicité des raisonnements. Ici vous me poserez peut-être une question. Si c'est l'Esprit de Dieu qui révèle ces vérités, elles ne sauraient être nuisibles, pourquoi donc alors l'entendement est-il obligé de s'en priver? Voici ma réponse. L'Esprit Saint éclaire l'intelligence dans la proportion même de son recueillement. Or, cette faculté n'est jamais mieux recueillie que dans les profondeurs de la foi, et sous les divines influences de l'esprit d'amour. Donc plus une âme sera pure et fidèle à s'avancer dans la perfection d'une foi vive, plus elle possédera la charité infuse de Dieu, et plus cette vertu sera ardente en elle, plus aussi le Seigneur l'élèvera de clarté en clarté. Sans doute l'intelligence de ces vérités répand dans l'âme une certaine lumière, néanmoins l'illumination de la foi lui est aussi supérieure que l'or pur l'est au plus vil métal. Et quant à l'abondance, c'est la mer comparée à une goutte d'eau. Dans le premier cas, Par ces intelligences surnaturelles, l'âme reçoit la science d'une, de deux ou trois vérités, et dans le second, la foi lui communique d'une manière générale et secrète la sagesse de Dieu, qui est son propre Fils. Par une connaissance simple et universelle, vous me direz encore, toutes ces communications sont bonnes, et l'une n'empêche pas l'autre, je vous réponds que l'une entrave beaucoup l'autre. Si vous en faites état, agir ainsi c'est se laisser captiver par des choses partielles et de peu de prix, préoccupations suffisantes pour empêcher les communications qui doivent se faire dans l'abîme de la foi, là, dans l'obscurité et dans le secret, Dieu se plaît à instruire l'âme surnaturellement, et à son insu il la fait grandir en grâce et en vertu. L'avantage de ces lumières successives ne consiste pas dans l'attention expresse que l'entendement leur donne, ce serait plutôt la manière d'en perdre le fruit, selon la parole du sage au livre du Cantique des Cantiques. Détournez vos yeux de moi, car ce sont eux qui m'ont fait m'envoler, Cantique 6, 4, c'est-à-dire, m'éloigner de vous, et m'élever sur des cimes où vous ne pouvez atteindre, c'est par l'amour qu'on participe aux dons surnaturels. Aussi l'application principale de l'âme doit-elle être de concentrer la force de son amour et de sa volonté en Dieu, simplement et purement, sans compter sur les efforts de l'entendement. Cette conduite lui attirera en plus grande abondance les faveurs célestes. Au contraire, si dans ses communications passives et surnaturelles, l'intelligence ou les autres puissances veulent faire intervenir activement leurs capacités, leur action grossière et imparfaite, qui ne peut atteindre à ses hauteurs, ne pourra manquer d'altérer ses connaissances, dès lors l'âme s'exposera au danger de s'égarer, en suivant les conceptions de son sens propre, où il n'y aura rien de surnaturel, mais où tout sera grossier et abject. Il est des esprits si vifs, si pénétrants, qu'à peine recueillis dans la considération d'une vérité, ils discourent avec une extrême facilité, expriment leurs pensées en paroles intérieures, et dans des raisonnements très animés qu'ils attribuent à Dieu. Ces discours sont tout simplement l'ouvrage de l'entendement qui, dégagé de l'opération des sens et à la faveur de la lumière naturelle, peut produire ce résultat et de plus grands encore, sans aucun secours surnaturel. Bon nombre de personnes se persuadent ainsi à tort avoir atteint un degré d'oraison très sublime, et jouir d'admirables communications divines. Elles s'empressent d'écrire leurs impressions ou les font écrire, mais, en résumé, il n'y a là aucune substance de vertu solide, tout cela ne signifie absolument rien, et n'aboutit qu'à entretenir leur orgueil, que ces âmes présomptueuses s'appliquent exclusivement à affermir leur volonté dans un amour humble et généreux, dans la pratique solide des bonnes œuvres et de la mortification. Par l'imitation de la vie souffrante et crucifiée du Fils de Dieu, c'est par là, et non par la multiplicité des discours intérieurs, que l'on acquiert tous les biens spirituels. Le démon prend souvent une large part aux paroles intérieures successives, surtout chez les âmes qui y sont affectionnées. Au moment où elles commencent à se recueillir, il leur fournit habituellement de nombreux sujets de digression, et leur suggère des pensées et des paroles qui ont l'apparence du vrai, il les précipite ainsi dans l'illusion avec une déplorable facilité. D'ordinaire il se communique à ceux qui ont fait avec lui un pacte tacite ou formel. Il agit de même à l'égard des hérétiques et surtout des hérésiarques, dont il remplit l'esprit de conceptions et de raisonnements très subtils, pleins de faussetés et d'erreurs. D'après la doctrine de ce chapitre, il reste bien prouvé que les paroles successives procèdent de trois causes, ou du divin esprit qui meut l'entendement et l'éclairer, ou de la lumière naturelle dont cette puissance est douée, ou enfin des insinuations du démon. Dire maintenant à quel signe on reconnaîtra l'origine de ces paroles serait assez difficile. et surtout s'il fallait en donner des preuves certaines, on peut toutefois signaler quelques indices généraux que voici. Les paroles et les conceptions produisent-elles simultanément dans l'âme une augmentation d'amour, d'humilité et de respect envers Dieu? C'est la marque infaillible de la présence de l'Esprit Saint, car ses faveurs sont toujours revêtues de ce caractère. Lorsque la vivacité et la lumière de l'entendement sont seuls enjeux, les paroles intérieures ne produisent point cet effet surnaturel de vertu. Cependant, par la connaissance et par la lumière de ces vérités, la volonté peut se porter à un certain amour naturel, mais aussitôt la méditation achevée, elle reste séchée aride, sans pour cela être encline au mal ou à la vanité, à moins que le démon ne survienne de nouveau pour la tenter. Or, les paroles dictées par le bon esprit n'engendrent point la sécheresse, au contraire, après ces faveurs, la volonté demeure habituellement affectionnée à Dieu et portée au bien. Néanmoins, par une secrète permission divine, en vue des besoins particuliers de l'âme, il peut arriver que la volonté se trouve dans l'aridité, même au milieu des communications célestes. D'autres fois l'âme ne sentira que faiblement ses opérations, ses élans vers la vertu. Malgré la source divine d'où émane le don qu'elle a reçu, c'est pourquoi j'affirme qu'il est souvent difficile d'établir une différence entre les unes et les autres, à raison de la diversité de leurs effets. Nous avons simplement énuméré les plus ordinaires. Les paroles dont le démon est l'auteur sont encore plus difficiles à discerner. Si d'ordinaire elles laissent la volonté dans la sécheresse à l'égard de l'amour divin, et porte l'esprit à la vanité, à l'estime et à la complaisance de soi. Même, plus d'une fois aussi le démon inspire à ses facultés une fausse humilité et une ferveur affective, mais le tout est basé sur l'amour propre, et l'âme a besoin d'être fort éclairée dans les voies spirituelles. Pour savoir démasquer les ruses de l'ennemi, Satan se déguise ainsi afin de suggérer à l'âme des affections conformes à ses desseins pervers. Il réussit parfaitement à faire répandre des larmes par les sentiments qu'il excite, et en même temps il porte toujours la volonté à faire cas de ses communications intérieures, et à se laisser captiver, non par l'exercice des vertus, mais plutôt par ce qui est l'occasion de perdre celle qu'elle avait déjà acquise. À l'égard de toutes ces paroles, tenons-nous-en à cette défiance, qui est indispensable pour ne pas s'exposer à l'illusion et à mille inquiétudes. N'attachons nulle importance à ces communications, et aspirons uniquement à diriger vers Dieu toute l'énergie de notre volonté par le parfait accomplissement de sa loi et de ses saints conseils, qui est la sagesse des saints. Contentons-nous d'accepter, avec foi et simplicité, les mystères et les dogmes proposés par la Sainte Église. Ces vérités ne suffisent-elles pas pour embraser notre cœur, sans chercher à pénétrer d'autres profondeurs, et à nous livrer à des recherches curieuses, où il serait prodigieux que de nombreux dangers ne se rencontrassent pas? Il n'est pas convenable de chercher à savoir au-delà de ce qu'on doit connaître. Romains 12, 3, dit Saint Paul. L'explication que nous venons de donner sur cette matière des paroles successives me paraît devoir suffire. Chapitre 30. Paroles intérieures qui se produisent formellement dans l'esprit par voie surnaturelle, danger qui peut s'y rencontrer, précautions nécessaires à prendre pour n'y être pas trompé. Les paroles formelles constituent le second genre de paroles intérieures. Elles se produisent surnaturellement dans l'esprit, recueillies ou non, sans l'intervention d'aucun sens. L'esprit ne contribue en rien à leur production, et reconnaît avec évidence qu'elles lui sont adressées par une autre personne. De là leur vient la dénomination de paroles formelles, elles différant beaucoup de celles dont nous avons parlé, car, d'un côté, elles se forment sans la coopération de l'esprit, comme il arrive dans les premières, et de l'autre, Contrairement à ce qui est des paroles successives, qui ont toujours pour thème la vérité que l'on considère, elles peuvent arriver en dehors du recueillement, même lorsque la pensée est très éloignée de leur objet. Les paroles dont il est question dans ce chapitre sont plus ou moins distinctes et formelles, souvent elles consistent en de simples conceptions suggérées à l'esprit, sous forme de réponses, ou autrement. Tantôt elles se bornent à un seul mot, tantôt elles se succèdent comme les précédentes, et transmettent à l'âme une instruction prolongée, l'esprit n'y participe absolument rien, et tout se passe en lui comme si une personne parlait à une autre. Le langage de l'ange à Daniel nous en offre un exemple frappant, le messager céleste l'instruisait intérieurement, d'une manière formelle et par des raisonnements successifs. Comme le confirme ce passage, « Je suis venu pour vous découvrir toutes choses », Daniel 9, 23, etc. Lorsque ces paroles restent à l'état de paroles formelles, elles produisent peu d'impression dans l'âme, elles ne lui sont données que pour l'instruire, ou lui donner une lumière sur tel ou tel point. Or, pour atteindre ce résultat, il n'est pas nécessaire qu'elles aient un effet supérieur à ce but. Dieu en est-il l'auteur? Elle ne manque jamais d'éclairer l'âme sur les enseignements donnés, et de la porter à effectuer promptement ce qui lui est prescrit. Cependant, ces paroles n'enlèvent pas toujours la répugnance et la difficulté que l'âme éprouve à exécuter ses ordres. Au contraire, par une permission divine, elles l'augmentent parfois afin que l'âme devienne meilleure, plus instruite et en même temps plus humble. Si le Seigneur commande à cette âme des choses propres à lui attirer des honneurs et des dignités, cette répulsion s'accentue davantage. Mais s'agit-il de choses basses et abjectes? Le divin maître lui inspire plus d'empressement et lui donne plus de facilité pour s'y livrer. À ce sujet, nous lisons dans l'Exode que Moïse, après avoir reçu de Dieu l'ordre de se rendre près de Pharaon, pour délivrer le peuple d'Israël, Exode 3, 10, ressentit une telle répugnance à obéir, que le Seigneur se vit contraint de renouveler par trois fois le même commandement, et de lui donner des signes évidents de sa volonté. Encore tout cela fut-il insuffisant, jusqu'à ce que le Très-Haut se détermina à lui donner Aaron pour être son compagnon, et pour partager avec lui l'honneur de cette entreprise. Le contraire arrive, quand les paroles et les communications viennent de la part du démon. La tactique de l'ennemi du genre humain est de porter aux choses élevées avec promptitude et facilité, et avec dégoût à celles qui sont humbles. Et certes, Dieu a en horreur de voir les âmes aspirer aux dignités, lors même qu'il leur commande de les accepter, ou les y élève lui-même. Il leur défend de s'y porter avec promptitude et avec un désir de prééminence. Les paroles formelles diffèrent encore des successives, en ce qu'elles sont accompagnées habituellement d'une ardeur dont celles-ci sont dépourvues. Les premières sont plus explicites, et l'entendement y mêle moins de son fond. Les secondes n'ont pas une influence aussi forte sur l'esprit, et ne lui donne pas autant d'élan pour obéir. Cependant, les paroles successives produisent parfois plus d'effet dans l'âme, à cause de l'intime communication qui existe alors entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme, mais le mode en est très différent. Dans les paroles formelles, l'âme ne met pas en doute si c'est elle-même qui les profère, tant elle a la certitude du contraire. Surtout si sa pensée était éloignée du sujet dont on l'entretient, et même, eut-elle quelques pensées de ce genre, elle comprend avec clarté et évidence que ces paroles ont une autre origine. Or il en est des paroles formelles comme des successives, l'âme ne doit nullement les estimer. Ce serait d'abord détourner l'esprit du moyen légitime et immédiat de l'union divine, c'est-à-dire de la foi, puis ensuite l'exposer à être très facilement séduit par le démon. Souvent c'est à peine si l'on pourra distinguer les paroles dictées par le bon esprit, de celles qui viennent du mauvais. Je l'ai dit, les paroles formelles ont peu d'efficacité, et il est difficile de les reconnaître à leurs fruits, tandis que celles du démon produisent sur les âmes imparfaites un résultat plus sensible que celles du bon esprit sur les personnes spirituelles, dans l'une et dans l'autre conjoncture, il faut donc se garder de rien exécuter, avant d'en rendre compte à un confesseur consommé en prudence, ou à une personne docte et discrète. Une fois éclairé sur la ligne de conduite à tenir, on doit se conformer aux conseils que l'on a reçus, avec un abandon et un renoncement absolu. Si l'on ne rencontrait pas un directeur assez expérimenté dans ses voies, mieux vaudrait n'en faire part à personne, et se contenter alors de prendre ce qu'il y a de substantiel et de réel dans ses paroles. Avec dégagement et pureté d'intention, on risquerait de tomber entre les mains d'un guide qui, au lieu d'élever l'édifice de la perfection, le détruirait. Les âmes ne doivent pas conférer de ces faveurs avec le premier venu, car, dans une question majeure comme celle-ci, la vérité ou la fausseté d'une direction est de la dernière importance. Au reste, le point capital est de ne jamais faire, ni accepter de son propre mouvement, ce que ses paroles expriment, sans de mûres réflexions et de sûrs conseils. Il survient en cette matière trop d'étranges et de subtiles tromperies. Et quant à moi, je crois que l'âme disposée à admettre ce genre de communication ne saurait éviter d'y être souvent trompée. Les chapitres 17, 18, 19 et 20 traitent des illusions et des périls qui se rencontrent en ces choses, et des précautions dont on doit se munir pour les éviter. Je ne m'étendrai donc pas davantage sur ce sujet, je rappellerai seulement que la doctrine, la meilleure et la plus saine, et de ne tenir aucun compte de ces paroles, malgré leurs excellentes apparences, mais de se gouverner en tout par les lumières de la droite raison, et par les enseignements quotidiens de la Sainte Église. Chapitre 31. Paroles substantielles qui se forment intérieurement dans l'esprit, différence entre celles-ci et les paroles formelles, profit qui s'y trouve, respect et soumission où l'âme doit se tenir à leur égard. La troisième sorte de paroles intérieures est, avons-nous dit, celle des paroles substantielles. Comme ces paroles s'impriment très distinctement dans l'âme, elles sont en même temps formelles bien que ces dernières diffèrent, par leurs effets moins vifs et moins profonds, des paroles substantielles. Toute parole substantielle est formelle, mais il ne faut pas en conclure que toute parole formelle soit substantielle. C'est la seule mérite ce nom, qui imprime véritablement dans l'âme ce qu'elle signifie, comme si, par exemple, notre Seigneur disait expressément à une âme, « Sois bonne », et qu'aussitôt elle le devint, « Aime-moi », et qu'à l'instant elle posséda et sentit en elle un amour substantiel, c'est-à-dire un véritable amour de Dieu. Ou encore, si le divin maître, la voyant en proie à une crainte excessive, lui adressait cette parole, « Ne crains pas », et que tout à coup elle se trouva animée d'un courage magnanime, et d'une paix ineffable. La parole de Dieu est pleine de puissance, Ecclésiaste 8, 4, nous dit le sage, elle opère substantiellement dans l'âme ce qu'elle signifie. Le texte suivant de David confirme cette vérité, sachez qu'il rendra sa voix, une voix forte et puissante, Psaume 67, 34. Le Seigneur lui-même dit un jour à Abraham, « Marche devant moi, et sois parfait », Genèse 17, 1. À l'heure même, le Père des croyants fut élevé à une haute perfection, et demeura attentif en la présence de son Créateur. Cette puissance éclate encore dans les paroles de Jésus-Christ, dont les évangélistes nous disent qu'une seule suffisait pour guérir les malades, et ressusciter les morts. Les paroles substantielles dont le Seigneur favorise certaines âmes, sont d'une si grande valeur et d'une si haute importance qu'elles leur communiquent la vie, la vertu et les dons incomparables de la grâce. Il arrive même qu'une seule de ses paroles apporte à l'âme un bien plus considérable que toutes les œuvres méritoires de sa vie. La coopération de l'âme et sa volonté propre n'ont rien à faire, ici, qu'elle se tienne humble et résignée, et se borne à donner une libre adhésion à l'action divine, dans ses faveurs, elle n'a rien à appréhender, rien à repousser, aucun effort à faire pour exécuter ce qu'expriment ses paroles, car Dieu l'opère en elle et avec elle, tout autrement que par les paroles, formelles et les paroles successives. Nous venons de le dire, l'état de l'âme est passif et son action personnelle presque nulle, elle n'a donc pas besoin de les rejeter, puisque leur effet se grave substantiellement en elle, et la comble de richesses surnaturelles. L'illusion n'est pas davantage à craindre, parce que ni l'entendement, ni le démon ne peuvent intervenir ici, ce malin esprit ne parviendra jamais à produire quoi que ce soit de substantiel dans l'âme, sans son concours, de manière à graver en elle l'effet permanent de sa parole. Cependant, lorsque certaines âmes se donnent à lui, par un pacte volontaire, il réside en maître dans ses cœurs, et peut alors, par des suggestions diaboliques, les porter à des œuvres de la plus noire malice. De semblables âmes lui sont unies par une iniquité volontaire, et deviennent entre ses mains des instruments propres à tous les actes mauvais. Si l'expérience nous démontre qu'il obsède même les âmes droites, par de puissantes et fréquentes instigations, avec combien plus de force ne pourra-t-il pas porter au mal les âmes perverses. Toutefois son action ne saurait jamais être assimilée à celle de l'Esprit Saint, car il n'y a pas de parole semblable à celle de Dieu. Toute parole créée comme un pur néant devant la sienne, et son effet est illusoire en comparaison de celui que produit la voix du Tout-Puissant. C'est pourquoi le Seigneur s'écrie par son prophète Jérémie, « Quelle comparaison y a-t-il entre la paille et le blé ? Mes paroles ne sont, elles pas comme du feu, et comme un marteau qui brise la pierre. » Jérémie, 23-28-29. Ces paroles substantielles concourent très efficacement à l'union de l'âme avec Dieu. Plus elles sont intérieures, plus elles sont substantielles et profitables à ceux qui les reçoivent. Heureuse l'âme à qui Dieu les adresse. Parlez, Seigneur, parce que votre serviteur écoute. Hirois 3, 10. Chapitre 32. Connaissance que l'entendement acquiert par voie surnaturelle, au moyen des sentiments intérieurs. Quelle est leur cause? Comment l'âme doit se comporter à leur égard? Pour ne pas s'en faire un obstacle dans le sentier de la perfection, il nous reste à traiter maintenant du quatrième et dernier genre de connaissances intellectuelles. L'entendement peut les acquérir au moyen des sentiments spirituels, qui se manifestent, très souvent, d'une manière surnaturelle dans les âmes intérieures. Nous les classons parmi les connaissances distinctes de l'entendement. Ces sentiments spéciaux peuvent être de deux sortes. La première comprend les sentiments qui résident dans la volonté, la seconde renferme ceux qui, tout en ayant leur siège dans la volonté, sont si intenses, si élevés, si profonds et si secrets, qu'ils ne semblent pas la toucher, mais se produire dans la substance même de l'âme. Les uns et les autres ont une grande variété dans leur forme. Les premiers, lorsqu'ils viennent de Dieu, sont très élevés, cependant les seconds les surpassent en sublimité, et apportent à l'âme des biens et des avantages signalés. Ni l'âme, ni son directeur, ne peuvent connaître la cause d'où ils procèdent, ou les œuvres qui ont pu mériter de telles faveurs. En réalité, ces touches divines ne dépendent nullement des actes de l'âme, ni de ses considérations. Bien que ces actes constituent d'excellentes dispositions pour les recevoir, Dieu en gratifie qui il veut, et pour des motifs connus de lui seul. Une personne aura pratiqué une multitude d'œuvres qui, et Dieu ne lui accordera pas néanmoins ces touches secrètes. Une autre, moins elle est dans les exercices de charité, se verra comblée de dons d'un ordre très élevé. Parmi ces attouchements divins, source des sentiments intérieurs, les uns sont bien caractérisés et passent rapidement, d'autres le sont moins et se prolongent davantage. Il importe peu à l'âme d'être appliquée aux choses spirituelles pour mériter de les recevoir. Sans doute, on ne peut disconvenir que le recueillement ne soit une meilleure condition pour s'y disposer. Toutefois, le plus souvent Dieu les donne quand l'âme y pense le moins. Ces sentiments spirituels, pris dans la signification que nous leur donnons ici, ne font pas partie du domaine de l'entendement, mais de la volonté. Aussi n'ai-je pas l'intention de m'y arrêter en ce moment. Je me réserve de le faire lorsque j'aborderai, dans le troisième livre, le sujet de la nuit de la volonté et de la purification de ses affections. Néanmoins, comme d'ordinaire, et je dirais même le plus souvent, ces impressions font rejaillir dans l'entendement une connaissance, une intelligence et une lumière plus saisissante et plus vive. Il convient d'en faire mention au moins sous ce rapport. Or ces sentiments spirituels, qu'ils soient provoqués subitement par une divine touche, ou qu'ils soient durables et successifs, produisent une lumière qui est une science expérimentale de Dieu d'une rare sublimité, et d'une saveur incomparable. Aussi ne saurait-on lui donner aucune dénomination, non plus qu'à la source d'où elle émane. Ces conceptions sont d'une grande variété, tantôt elles sont plus élevées et plus lumineuses, tantôt elles le sont moins, en proportion précisément de la qualité des touches, et de la force des sentiments d'où elles procèdent. Il serait superflu de multiplier ici les développements, pour indiquer à l'entendement la direction qu'il doit suivre au milieu de ces différentes connaissances. S'il veut avancer par le sentier de la foi jusqu'au terme de l'union, si les sentiments dont nous parlons sont produits dans l'âme, sans un travail effectif de sa part, il en résulte que les connaissances acquises par leurs moyens sont également reçues passivement, c'est-à-dire, en dehors de la coopération de cette partie de l'intellect que les philosophes appellent passible. Aussi, pour ne point faire fausse route, et ne pas mettre obstacle aux avantages dont ces sentiments enrichissent l'âme, le rôle de l'entendement, à leur égard, doit être passif et non actif, sans prétendre interposer ses forces naturelles, qu'il lui suffise d'incliner la volonté à donner un consentement libre et plein de reconnaissance. L'inconvénient déjà signalé à propos des paroles successives se retrouve ici. En effet, l'activité propre peut très facilement troubler et détruire ces lumières délicates, cette savoureuse et surnaturelle intelligence, à laquelle l'élément humain ne saurait atteindre, et qu'il ne comprendra pas en agissant, mais en restant passif. En conséquence, il faut se garder de les désirer, de peur d'exciter l'entendement à en produire d'autres. De son propre fond, ainsi on fermera la porte à une multitude de connaissances fausses que, par l'influence des sens corporels, le démon insinue fort habilement dans l'esprit affectionné aux notions produites par les sentiments dont nous venons de parler. Quand le souverain maître verra l'âme humble, résignée, anéantie et dépouillée d'elle-même, il lui communiquera ses touches secrètes, passivement et à l'heure de son choix. Son abnégation lui méritera de jouir des avantages que ses connaissances procurent, avantages incalculables, car ce sont des touches intérieures, préparatoires à l'union divine. Toute la doctrine de ce livre porte sur le renoncement absolu de l'esprit, sur la contemplation passive, sur l'oubli de tout le créé, le détachement des formes et des images, et l'abandon aveugle à la conduite de Dieu, par un simple regard dirigé vers la suprême vérité. Or, cette doctrine substantielle ne s'entend pas seulement de l'acte de parfaite contemplation, dont la quiétude sublime et toute surnaturelle serait troublée par les filles de Jérusalem, c'est, à dire par les bons discours et par les méditations, cette doctrine, dis-je, s'étend encore au moment fortuné où notre Seigneur appelle l'âme à goûter une attention générale, sainte et pleine d'amour, attention, recueillement, dans lesquels l'âme aidée de la grâce peut s'établir elle-même, qu'elle s'efforce alors de maintenir toujours son esprit dans le calme, sans le fatiguer par le mélange des formes, des conceptions ou des images particulières, elle pourrait cependant s'en servir d'une manière transitoire, avec douceur et suavité d'amour, dans le dessein de s'embraser de plus en plus du feu de la charité, mais, hors de ce temps, elle devra céder, dans tous ses exercices, du secours des bonnes pensées, et de la méditation, selon la méthode dont elle recueillera plus de dévotion et de profit spirituel, elle s'appliquera en particulier au mystère de la vie, de la passion et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, pour conformer ses actions, ses pratiques et toute sa vie à la sienne. Arrêtons ici ce traité des connaissances surnaturelles de l'entendement, considéré dans le rapport avec la foi, et comme moyen efficace d'arriver au terme de l'union, il me semble en avoir dit assez à cet égard, pour qu'en toute circonstance, l'âme puisse trouver dans les développements que nous avons donnés, les règles et les avis nécessaires pour savoir se gouverner avec prudence, peut-être dira-t-on. Que tel ou tel état intérieur ne peut entrer en comparaison avec ceux que nous avons décrits, je crois impossible qu'on ne puisse le rattacher à quelqu'une des quatre subdivisions de connaissances spéciales, énumérées dans ce livre. Néanmoins, dans un cas particulier, on trouvera, à mon avis, la solution de toutes les difficultés dans ce qui a été dit pour des circonstances analogues. Hâtons-nous donc maintenant de passer au troisième livre, où nous traiterons, avec la grâce de Dieu, de la purification spirituelle de la volonté, par rapport à ses affections intérieures. C'est ce que nous appelons ici nuit active. Je prie le sage lecteur de me prêter une attention bienveillante et soutenue. Sans cette condition, toute espèce de doctrine, si élevée et si parfaite soit-elle, n'apporte aucun profit et n'obtient pas l'estime qu'elle mérite. À combien plus forte raison cette disposition de bienveillance est-elle indispensable avec mon style, si défectueux en beaucoup de points. Fin du livre deuxième.